des tirs de grenades, frère. Tirs de grenades, attention. Cachez-vous. Cachez-vous. Cachez-vous. Cachez-vous. C'est là des grenades. C'est de la violence. Oh, ça nique des grenades. Au cas où les mecs au balcon, ils se mettent plus, hein. Regarde. Il y a des cons, c'est des bleus. Ah, je vais mettre ma capuche. Après, je vais vite. Thank you.